Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous présenter ce cinquième rendez-vous de Vous êtes libre ce soir. Au sommaire de ce nouveau VLCS, une conversation avec Ludovic, qui m'accompagne pour l'occasion. Il vous présentera le projet OLPC, un acronyme anglais que l'on peut traduire en français par un ordinateur portable par enfant. Ce projet d'éducation a deux caractéristiques majeures, d'une part des innovations techniques pour la partie matérielle, et d'autre part l'utilisation de logiciels libres, en passant par Linux pour la partie système exploitation, au logiciel Firefox pour la partie navigateur Internet, et encore de nombreux autres outils libres. S'en suivra une deuxième partie d'émission, moins formelle, avec une discussion autour du libre, d'une manière générale. Discussion entrecoupée de musique libre, forcément, disponible toujours sous licence Creative Commons. Vous êtes libre ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Pour ce cinquième rendez-vous de cette émission Vous êtes libre ce soir, à l'antenne de Radio Campus Tours, j'ai à mes côtés Ludovic, bonjour. Bonjour. Donc peux-tu te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors je suis un informaticien depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai passé pas mal de temps à voyager. Je suis allé en Angleterre, en Chine, en Australie. J'ai aussi travaillé un petit peu en Allemagne et je suis de retour en France. D'accord. Et justement pour préciser à nos auditeurs qui nous écoutent que durant l'émission, des fois tu risques peut-être d'utiliser des mots comme ça ou l'accent particulier. Du franglais, tu veux dire ? Voilà, par exemple. Mais bon, ça on verra. Donc pour cette première partie de l'émission, tu vas nous parler du projet OLPC. Donc qu'est-ce que l'OLPC ? Ok, donc si tu n'as pas vu de nouvelles de l'OLPC dans le journal, tu pourras apprendre que OLPC, c'est un projet d'éducation qui est dirigé par Nicolas Negroponte du MIT, le MIT en français. Donc OLPC, c'est un acronyme anglais qui veut dire One Laptop Per Child. Donc en français, on traduirait ça par un ordinateur portable par enfant. D'accord. Comme je disais, c'est un projet d'éducation et le but, c'est de fournir aux gouvernements de pays en voie de développement principalement une alternative aux outils d'éducation actuels que sont les livres. D'ailleurs, le projet est aussi connu comme le portable à $100, the $100 laptop, version anglaise. D'accord, ok. Donc, ce chiffre de $100, comme tu peux te le demander, n'est pas arrivé comme ça tout seul. Il a été calculé pour que le système ait un coût, lorsque le gouvernement achètera les systèmes pour les enfants, bien sûr, qui soit à peu près similaire au coût matériel pour l'éducation des enfants pendant, disons, 6 ans, entre l'âge de 6 et 12 ans. Donc, c'est une période où les enfants apprennent les bases de la lecture, l'écriture et le calcul. Et tous ces outils doivent être remplacés ou pourraient être remplacés par un ordinateur. Ok. Un peu de live. Donc, on veut remplacer les livres qui ont, donc, ont de nombreuses limitations. Et par des ordinateurs portables pour enfants, en fait. Oui, c'est cela. Et de là, on découle un certain nombre de contraintes, notamment en ce qui concerne le poids et la taille de l'appareil. Il est très facile de comprendre que les enfants qui doivent transporter l'ordinateur où qu'ils aillent ne peuvent pas se permettre d'avoir un ordinateur ou quelque chose qui fasse 2,5 kg. Ils doivent être capables de s'en servir à n'importe quel moment de la journée. Et donc, la consommation électrique doit être limitée au minimum. Pour cela, on a utilisé un processeur de chez AMD ultra léger qui ne consomme que 1 watt-heure. Donc c'est très économique. Il y a aussi un écran révolutionnaire qui utilise des LED plutôt que les écrans standards rétro-éclairés. Ok, justement, donc, qu'y a-t-il de révolutionnaire en fait dans cet écran ? Ok, donc c'est un écran tout nouveau qui a pas mal de fonctionnalités encore jamais vu sur des ordinateurs. C'est un écran haute définition. Il a une finesse d'affichage de 200 dpi. Donc les dpi, c'est des dots per inches. Ça veut dire des points par pouce au niveau de l'écran. Donc ça, c'est dérivé de l'anglais, bien sûr, hein, encore une fois. Et il a une résolution de 1200 par 900. Ce qui, pour un écran de 7,5 pouces, un petit peu plus de 19 cm, est une très très bonne résolution, puisque les écrans d'ordinateur de nos jours ont une finesse qui est aux alentours de 90 dpi. Ok. Donc la deuxième particularité de l'écran, c'est qu'il consomme très peu d'électricité, à peu près un dixième de ce que consomme un écran TFT standard. Et il possède aussi un mode statique, où l'image va rester fixe et va s'afficher, ce qui permet d'éteindre le reste de l'ordinateur et d'économiser l'électricité de cette façon. Donc lorsque l'enfant est en train de lire un document, l'ordinateur n'a pas besoin d'être allumé, seulement l'écran. Oui, voilà. Donc du coup, effectivement, on comprend aisément que n'ayant que l'écran qui fonctionne, bah, voilà, ça ne consommera pas d'électricité outre mesure, quoi. Exactement. Donc le troisième point et la plus importante innovation pour cet écran, c'est qu'il a en fait deux modes d'affichage, un mode de fonctionnement pour l'intérieur et un mode de fonctionnement pour l'extérieur. Alors le mode de fonctionnement pour l'intérieur, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est exactement ce qu'il y a pour tous les ordinateurs portables de nos jours. Des couleurs et de manière générale, on va pouvoir regarder et travailler avec l'écran. Par contre, lorsque l'on va à l'extérieur, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire ça avec un ordinateur. Pour l'instant, pas spécialement avec mon portable, mais c'est vrai que ça pourrait être l'occasion, effectivement, de faire une interview en plein air. Oui, donc, en plein air, en fait, il y a beaucoup de problèmes, notamment la réflexion du soleil qui empêche de voir ce que l'écran a affiché. Et cet ordinateur va posséder un mode de haut contraste qui va fonctionner purement en noir et blanc et qui va permettre aux enfants, qu'ils soient donc sous le soleil ou à l'extérieur, de voir ce qui est affiché sur l'écran d'une manière que la résolution soit suffisante pour lire. C'est pour être d'accord. Totalement fonctionnel. Ils ont étudié en fait, oui, le compromis entre le pouvoir lire aisément en fait, et puis le fait que voilà, ça soit visible même en plein soleil, tout ça, et justement ils ont étudié spécifiquement. Oui, et ils ont aussi une couche logicielle puisqu'il faut gérer en fait, transposer ce que l'écran devrait afficher en couleur, qui n'est pas la même chose que d'afficher en haut contraste noir et blanc. D'accord. Donc on a évoqué donc les spécificités de l'écran. Il y en a une autre, c'est la partie de mise en réseau des ordinateurs. Eh oui, il y a aussi un routeur intégré avec une carte réseau sans fil. Alors pour ne pas rentrer dans trop de détails, on va dire simplement que la machine, lorsqu'elle n'est pas fonctionnelle, lorsque l'enfant ne s'en sert pas, sera quand même capable de connecter d'autres ordinateurs entre eux. Donc elle servira de relais en fait. Oui, voilà, elle servira de relais et de routeur et ça permettra aux enfants par exemple dans un même village de communiquer les uns avec les autres en fonction des membres disponibles. D'accord, donc même si effectivement certains enfants ne s'en servent pas, le fait qu'ils soient comme ça un peu éparpillés par exemple dans un village, permettront justement de pouvoir se mettre en réseau les uns aux autres, qu'ils fonctionnent ou qu'ils ne fonctionnent pas. Quoi. Oui. Ça, c'est plutôt bien, effectivement. C'est tout neuf. C'est encore un type de fonctionnalité qu'on ne trouve pas de nos jours. Tout le monde a un petit peu un réseau sans fil à la maison, mais personne ne s'en sert vraiment pour communiquer avec ses voisins ou pour partager. Oui, non, c'est vrai que on prend même attention à sécuriser ces réseaux pour ne pas justement généralement que le voisin emprunte sa connexion Internet. Donc effectivement, oui. Peut-on ajouter d'autres précisions ? Oui, il y a encore beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. On pourrait y passer quelques heures, mais c'est très technique après, hein, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Ok, mais il y a des choses très intéressantes comme une gestion de veille qui est très intelligente. Alors c'est un mécanisme de micro-coupure qui permet d'économiser l'électricité en maintenant l'appareil en état fonctionnel, mais seulement les parties qui sont nécessaires à l'instant T. Donc on parlait tout à l'heure de l'écran. Si il n'y a pas d'entrée au niveau du clavier, l'entrée clavier ne sera pas en fonction. Et s'il n'y a pas d'opération au niveau du processeur, on ne va pas faire fonctionner le processeur. En fait, oui, donc chaque composant de l'ordinateur, quand il sera appelé à fonctionner, donc consommera de l'électricité. Mais dès que effectivement on ne saisit rien sur le clavier ou que on ne bouge pas la souris ou des choses comme ça, ils se mettront en veille en fait automatiquement, enfin, en coupure même. Oui, en coupure. Donc c'est assez nouveau aussi comme type de fonctionnement, vu que nos ordinateurs standards, ton portable ou tes ordinateurs de bureau, qu'ils soient en état d'utilisation ou pas, ils consomment toujours à peu près le même écran, sauf quand ils vont en veille. Oui, voilà. Comme mon portable qui est en train d'enregistrer donc, avec le logiciel libre Audacity, l'écran en lui-même, je n'en aurais pas spécialement besoin, en fait. Il pourrait très bien, effectivement... Oui, il pourrait très bien être en veille. Sauf que si ton ordinateur se met en veille, effectivement, on n'enregistrera plus rien. Voilà. On peut dire que l'ordinateur aura aussi certaines fonctions multimédia. Donc, il aura, par exemple, une caméra, une webcam intégrée. Définition standard du 640 par 480. Oui, sous deux tapes, un truc comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Donc, il aura une caméra intégrée, un microphone, histoire de pouvoir se voir et s'entendre, et aussi deux ou trois ports USB. Bon, je ne suis pas exactement sûr du nombre, mais ça permettra de brancher tout ce qui est USB. Les périphériques, quoi, en fait, oui. Oui. Une imprimante. Voilà, quand on va à l'école, si on a besoin de brancher une imprimante, on peut brancher une imprimante et la partager, évidemment, avec les voisins et tous ceux qui sont dans l'entourage. Donc, c'est vrai qu'à y regarder de plus près... on est tenté de comparer donc ce nouvel ordinateur portable, spécifiquement donc pour les enfants, avec la marque Apple, en fait. Et oui, en effet, la comparaison est très judicieuse, Sylvain. Sur le plan matériel et logiciel, en tout cas. D'un point de vue philosophique, OLPC, c'est un organisme, en anglais on dit « not for profit ». Donc en français, ce serait plutôt une association du type loi de 1901. Et ensuite, les technologies et toutes les avancées technologiques qui sont trouvées et découvertes au long du projet sont versées dans le domaine public et dans l'univers du libre. D'accord, oui. Ce que, évidemment, Apple ne fait pas très souvent. Oui, donc je disais, en fait, pour en revenir à cette comparaison avec Apple, c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre que les Mac sont stables, qu'il y a rarement des plantages, en fait, alors que c'est connu, sous Windows, il y a souvent des bugs, en fait. L'ordinateur, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais voilà, il tourne pas rond. Et notamment, Apple a cet avantage qu'ils ont un matériel spécifique, un logiciel spécifique, et ils ont fait le développement, en fait, pour que le matériel aille vraiment avec le logiciel, quoi. Donc c'est vrai que transposé au monde du libre, un petit peu, finalement. Oui. Ce projet d'OLPC, c'est typiquement ça, quoi. Ils ont vraiment étudié le matériel et ils ont collé le logiciel dessus pour que ça colle parfaitement, quoi. Voilà. C'est exactement ça. En fait, ils ont utilisé les outils disponibles pour créer un système qui soit parfaitement adapté à l'objet même du projet, qui est, rappelons-le, d'aider les gouvernements à avoir un système éducatif moderne et efficace. Okay, et donc c'est juste une petite brique dans le monde qui devrait permettre aux gens et aux enfants simplement d'apprendre plus efficacement et de manière un petit peu plus ouverte que de nos jours. Sera 15 milliards, elle va être belle la foire. Plus on est de fous, plus on rit, mais ça frictionne pas mal aussi. Y'a que les malins qui auront de l'espace. Se joue les coups pour faire sa place. Et je te monte sur les pieds. Poussez-vous, ça sera moi le premier. Y'en a qui en prennent une tonsure, et d'autres qui en perdent leurs chaussures. Enfin, de se marcher dessus. Est-ce qu'on est bien à se monter dessus? Toutes ces jambes et tous ces bras, c'est que ça en fait des estomacs. Mais mon petit, y a pas de problème. On va planter des OGM. Les dieux nous voulaient moins nombreux. Bah on va se débrouiller sans eux. C'est bien connu dans l'univers. C'est à l'homme qu'appartient la terre. Oh, allez, on va tenter de se marcher dessus. Parce qu'on est bien à se monter dessus. à se voir autant ici, on va se sentir tout petit. Il va y avoir de la dépression à tour de bras dans les maisons. Mon petit, c'est déjà le cas. Il y a des médicaments pour ça. Ce qui compte, c'est l'espérance de vie, c'est pas l'espoir, mon pauvre ami. Eh ouais. On est en train de se marcher dessus. On est bien à se monter dessus. On est en train de se marcher dessus. Vous venez d'écouter Se marcher dessus du groupe L'œil du ficus, à retrouver sur Jamendo, et c'est diffusé sous licence Creative Commons by NCSA. On retrouve à présent la suite de l'entretien avec Ludovic au sujet de l'OLPC. Donc pour en revenir au monde du logiciel libre, c'est quand même le but aussi de l'émission justement de parler des logiciels libres. L'ordinateur en fait est construit sur un cœur Linux, donc le système d'exploitation libre. Quels avantages y a-t-il en fait d'avoir choisi justement les logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires, comme typiquement par exemple au lieu de choisir Linux, ils auraient pu faire appel à Windows par exemple, à Microsoft. Ok, donc on peut se dire qu'ils auraient pu essayer d'utiliser Windows. Effectivement, quand on regarde au niveau matériel, on se rend compte très clairement que Windows sur un tout petit ordinateur comme ça prendrait beaucoup de place et beaucoup de ressources qui ne sont malheureusement pas disponibles. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, et le plus important je crois, c'est qu'avec Linux, on peut se permettre de prendre que ce dont on a besoin. Windows ne fonctionne pas de cette façon. Windows est un environnement monobloc. Vous installez Windows, vous allez avoir Internet Explorer, Outlook Express, même si vous ne le voulez pas. Et donc, c'est une philosophie et, encore une fois, une façon de voir qui est très différente et qui empêcherait le système tout simplement d'être installé. Il faudrait créer les pilotes dans un environnement fermé. Et toutes les avancées et toutes les recherches et le travail fait, en fait, se retrouveraient fermées et ne seraient pas forcément dans la communauté du libre et n'aideraient pas l'environnement Linux et le libre à progresser. Alors qu'effectivement, en choisissant un cœur Linux, donc libre et ouvert, bah, ils peuvent effectivement l'étudier et l'utiliser à leurs propres besoins, et notamment effectivement, comme tu disais que Windows était plus monolithique, en fait, oui. Linux, effectivement, on parle souvent qu'il fonctionne en tant que module, et donc on active ou non certains modules. C'est ça, oui. Et je parlais aussi des contributions que l'équipe de l'OLPC a fait. Ils ont travaillé activement à utiliser Linux sur le matériel qu'ils ont. Et pour cela, ils ont eu besoin de créer un certain nombre de patchs qu'ils ont reversés, qu'ils ont rajoutés au kernel, au noyau. Donc ils ont rajouté au noyau Linux et qui fera partie des prochaines versions de Fedora ou des prochaines distributions de Linux en ce qui concerne la gestion de mémoire, par exemple, des petites avancées à gauche, à droite. Oui, donc effectivement, on comprend bien que voilà, ça participe activement aussi à l'essor et au développement de ces logiciels, quoi, les logiciels libres. C'est ça. De la même façon que l'OLPC en fait, veut aider les enfants à partager, eh ben, ils ont la même philosophie en interne. Ce qu'ils font, ils le partagent aussi, que ce soit au niveau du logiciel ou au niveau du noyau Linux. Et donc pour continuer dans les logiciels, je pensais notamment donc il y a la partie donc on a parlé de Linux qui est le moteur finalement, le système d'exploitation de l'ordinateur portable. Quels sont éventuellement aussi les autres logiciels qui intégreront le PC? Ok, donc il y a un certain nombre de logiciels qui sont en train d'être développés, mais tout ça, encore une fois, ça se base sur un certain nombre de technologies qui sont disponibles sous Linux. Python principalement comme environnement de programmation, et aussi du Java. Et pour ce qui est de l'interface utilisateur, alors le bureau tel qu'on le connaît n'existera pas, ce sera plutôt l'environnement. C'est un environnement graphique qui s'appelle Suga, et qui ça veut dire sucre en français, et qui a été créé juste pour permettre justement à des enfants en très peu de temps de comprendre comment servir du logiciel. D'accord. Et aussi pour leur permettre de créer tout simplement. Alors c'est un environnement tout à fait neuf, donc ils ont créé les terminologies qui vont bien. Donc on parle pas d'application dans Suga, on parle de d'activité. Voilà. Merci. Et beaucoup de choses qui vont comme ça. Oui, donc on a vu tout à l'heure que pour le matériel ils avaient presque fait en fait étudier pour cet ordinateur, et donc même le logiciel, effectivement, bon, ils ont repris le noyau Linux en l'adaptant, même au niveau de l'interface graphique, ils ont aussi en fait développé spécifiquement en fait pour ce projet, quoi. Oui, spécifiquement. Et l'interface est très très simple et très très intuitive, vraiment. On l'a utilisé. J'ai eu l'occasion effectivement de le tester, puisque on peut aussi aller sur le site du projet. Et puis télécharger ce qu'on appelle une image en fait, et puis voilà, tester comme si on avait le PC sous les yeux, sauf que voilà, c'est juste virtuel. Oui. Et d'ailleurs, on peut même parler du site internet du projet. Je suis sûr que ça fera partie des liens. Des liens, ouais, qu'on retrouvera donc sur le blog de l'émission. Donc, je rappelle aussi l'adresse du blog, qui est donc www.valcs.info. Et donc pour l'adresse du site, ouais. Donc l'adresse du site, c'est laptop.org, donc laptop comme ordinateur portable. Et il y a aussi un wiki et pas mal de sites qu'on postera avec des liens. Mais l'avantage, et ce que je voulais souligner surtout, c'est qu'ils partagent tout. Donc effectivement, presque tous les deux ou trois jours, il y a une nouvelle version de l'interface qui est disponible pour tester ou pour développer des applications. Et aussi, il y a beaucoup de documentation qui explique comment le système fonctionnera et comment on peut créer des nouvelles applications pour utiliser justement la carte graphique, les cartes son, et créer des activités qui permettent aux enfants ludiquement d'apprendre de nouvelles choses. Ok. Et donc pour continuer aussi encore sur les logiciels, justement quand on avait testé l'application, en fait on avait vu qu'il y avait un traitement de texte pour l'instant, qu'il y avait un navigateur internet qui était notamment Firefox. Oui. Il y avait de la messagerie instantanée, donc d'où effectivement l'utilisation avec la webcam et puis le micro même. Oui, c'est ça. Du coup après la possibilité de parler aussi. J'ai vu qu'il y avait aussi un lecteur de flux RSS notamment. Donc j'ai déjà eu l'occasion de le citer à chaque fois dans des précédentes émissions de ValCS, mais j'avais été voir notamment sur des liens via le wiki du site de l'OLPC, l'un des développeurs en fait du logiciel, qui doit s'appeler Pingouin TV, je crois. Ok, oui. En fait, avait dans l'optique, on pourrait trouver bizarre en fait qu'on intègre dans un ordinateur pour des enfants un lecteur de flux RSS. Donc je répète brièvement ce que sont les flux RSS. C'est un lien d'abonnement sur donc une page internet qui permet de réceptionner directement dans un logiciel spécifique les derniers articles qui ont été mis et publiés en ligne, dont les blogs en fait s'inspirent beaucoup et utilisent énormément. Et donc le développeur en question, lui, voyait l'utilisation des flux RSS pour l'OLPC comme justement un professeur qui publierait ses cours sur un blog, ou enfin, sur un site du moins, et puis les enfants s'abonneraient en fait à ce fil d'actualité et automatiquement recevraient sur l'ordinateur les cours. Et le logiciel en question, donc Pingouin TV, a la particularité de gérer aussi les podcasts. Et donc le professeur pourrait aussi intégrer des fichiers audio en fait que les enfants pourraient écouter. Des additions aux cours. Voilà. ça aussi, ça fait partie de la philosophie. Voilà, on voit bien qu'effectivement, voilà, ils cherchent voilà, à essayer de contribuer en fait, pour que les enfants puissent apprendre voilà, dans les meilleures conditions. Quoi. Voilà, donc ils ont utilisé le monde ouvert parce que ça permet d'ajouter beaucoup de choses. Et notamment, ça permet de profiter, de faire profiter non seulement aux enfants qui vont participer au projet, mais aussi à toi, à moi et peut-être à mes enfants dans une dizaine d'années ou qui sait. Et ça, c'est assez typique du monde libre. Et c'est une des choses que j'adore et que j'aime beaucoup. Juste pouvoir partager, simplement, j'ai fait quelque chose, je trouve ça intéressant, je pense que vous pourriez en bénéficier. Faites-en ce que vous voulez, profitez-en. Voilà, ouais. Martine, je l'ai rencontré un soir dans un café. On a tant discuté, on a surtout parlé du passé. Après trois verres de rhum, elle était mon type d'homme, elle était méchée. Alors, je l'ai ramenée. Demain, elle m'a rappelé. Je suis arrivé chez elle avec des roses. Elle me dit, j'ai à te parler. J'ai 47 ans et bientôt la ménopause. J'ai encore envie de baiser. Toi, tu es jeune et plein de vigueur. Je te demande pas de te marier. Je voudrais juste encore un peu de bonheur. Elle s'est déshabillée. Là, j'ai failli vomir. Ses seins étaient tout fripés. J'aurais dû partir. Mais je me suis couché avec elle dans son lit. Et puis la capote a craqué. Et tout est parti. Elle m'a dit, je veux un bébé. Et ce coup-là, j'ai vomi. C'est pas que j'ai paniqué, mais je me suis enfui. Martine m'a encore rappelé. J'ai jamais plus décroché. N'avait pas fonctionné, j'aurais pas eu à assumer. Martine et moi, on aurait dû l'élever, il se serait appelé René. Mais le bon Dieu m'a sauvé, il est mort-né. C'était le groupe Vox avec le titre Martine, à retrouver sur Jamendo, et c'est diffusé sous licence Creative Commons by ND. À suivre la suite de l'OLPC avec la petite conclusion. Donc s'il y avait une conclusion en fait à faire sur notre discussion à propos de cet ordinateur à 100$, quelle serait-elle ? La conclusion pour l'instant, c'est que c'est un projet qui avance tous les jours et ils ont construit à peu près 2500 ordinateurs pour des tests dans différents pays et ça devrait il devrait y avoir une montée en charge en 2007 et certains pays devraient commencer à recevoir des ordinateurs et l'idée en 2008 c'est d'avoir plusieurs millions d'ordinateurs déjà distribués aux enfants. Donc c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus public De la même façon que c'est un projet qui a quand même un haut profil et qui est assez médiatique. Et effectivement, une fois que des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'enfants vont avoir les ordinateurs, il est très clair qu'on en entendra parler. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle de termes de projet, mais voilà, c'est presque plus un projet, puisque c'est presque déjà une réalité, en fait. Voilà. Oui. Puisque, effectivement, les prototypes ont été faits, donc voilà, ils sont mis en production. Donc, c'est vrai que ça avance bien, quoi, de ce côté-là. Oui, oui, très bien. Et ce sera, en fait, une fois que le projet est bien en place, ce sera le plus grand nombre d'ordinateurs d'un seul type. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué vraiment, mais ils ont aussi une très ils sont très focus, ça c'est en anglais, très concentrés sur la sécurité. Ils font beaucoup de travail et ils sont très consciencieux de façon à ce que le système soit sécure et aussi de façon à ne pas avoir des problèmes de maintenance. Tout le problème logistique quand on se dit qu'on va avoir 2, 3 ou 10 millions d'ordinateurs dans le monde. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais du fait que tous les ordinateurs seront en réseau, on avait parlé le fait que même quand ils étaient éteints, ils pouvaient servir de relais et donc voilà, permettre les échanges hop, comme ça de PC à PC. C'est sûr qu'on est bien conscient qu'au niveau sécurité, voilà, il faut aussi faire attention, quoi. Exactement. Et je voudrais peut-être juste revenir sur le coût en fait des $100. Donc on avait évoqué que c'était le budget estimé donc pour remplacer les méthodes classiques en fait traditionnelles dans l'apprentissage. Les livres. Voilà, des livres. Donc, mais par contre aujourd'hui on est quand même a priori loin, enfin loin. On n'est pas forcément au coût de $100 en production en fait. Oui, en coût de production. Le coût pour $100 serait en fonction d'une production qui devrait être de plusieurs millions de machines. Donc l'équipe de l'OLPC travaille avec le plus grand fabricant d'ordinateurs portables au monde, qui est une compagnie qui s'appelle Quanta. Et en approximativement 2 ans, il devrait pouvoir réduire le coût qui en ce moment est à peu près $150 à $100. D'accord, ouais. Et évidemment, dans 3-4 ans, le coût devrait être en dessous de la barre des $100 aussi, avec les économies dues à l'échelle. Et puis donc permettre de le diffuser en plus, voilà, à plus de monde du coup, oui, à plus de pays potentiellement qui voilà n'auraient pas forcément les moyens actuellement. Et puis voilà. Et puis peut-être même nos petits enfants français des écoles qui pourraient en profiter. Oui, aisément. Ouais. Ok. Donc on va passer à la deuxième partie de l'émission puisque j'avais annoncé qu'il y avait une première partie sur l'OLPC. En fait, tu souhaitais éventuellement parler de l'exemple de Sun, qui est donc un éditeur américain de logiciels, qui, en fait, anciennement, avant, était purement dans la philosophie de logiciels fermés et dits propriétaires, et donc progressivement, en fait, est venu à travailler avec les logiciels libres et dans le logiciel libre. Ok, donc Sun, en fait, c'est même plus qu'un éditeur. Sun était tout à fait similaire à Apple, dans le sens où ils faisaient leur matériel et ils vendaient le logiciel, le système d'exploitation qui allait avec. Ah, d'accord. Donc Sun n'est pas très connu du grand public parce que généralement, c'était pour des systèmes d'entreprise, des grands systèmes. Mais c'est très connu de nos jours lorsqu'on dit que Sun est le créateur de Java, et aussi de StarOffice ou OpenOffice. Java notamment, oui, parce que quand les personnes étaient invitées à télécharger Java pour remplir leur déclaration en ligne pour les impôts, effectivement, ils étaient obligés d'utiliser Sun Java, quoi. Donc oui. C'est vrai que ça pourra peut-être dire effectivement à certaines personnes quelque chose. Ok, donc Sun avait une architecture propriétaire fermée avant, et ils avaient en fait carrément leur processeur, les Spark, et ils avaient leur système d'exploitation Solaris. Donc c'est une version de Unix qui lui-même a donné Linux grâce à Linus Torvald. Mm-hmm. Et dans les 3-4 dernières années, la compagnie a complètement changé leur stratégie. Et en fait, ils ont donné Java à l'open source, donc dans la communauté du libre. Ils ont aussi donné dans l'open source leur système d'exploitation Solaris, qui est un système Unix très très complet et très efficace. Et en fait, la compagnie, c'est complètement... ils ont fait un tour à, où ils ont fait, comment on dit ? Un changement de cap, en fait. Ils ont fait un changement de cap à 180 degrés et ils sont passés d'une ouverture quasiment tout fermée à tout ouvert. Et la philosophie, évidemment, c'est que plutôt que d'essayer de coincer son client à acheter le matériel et le logiciel, ils sont allés ouverts, ils se sont dit « on n'est plus là pour coincer les clients, on est là pour les aider ». On a des clients, on veut en avoir plus, mais ce qu'on veut faire surtout, c'est aider les gens à résoudre les problèmes. Ils ont l'information qu'ils veulent mettre en ligne, on a un système d'exploitation, on leur permet de faire ça gratuitement. Et après, évidemment, ils vont acheter du matériel, ils vont venir nous voir, ils vont créer plus de choses avec nos systèmes. Et tout ça, ça permet en fait de faire du business. Et c'est une compagnie qui est en très bonne santé financièrement. Et ils ont même, de la même façon que la stratégie a changé de cap à 180 degrés, financièrement, ils s'en retrouvent beaucoup mieux, ce qui est assez impressionnant. Ils ont donné quasiment 20 ans de intellectual properties, donc de propriété intellectuelle, ils l'ont donné au monde du libre et ils se retrouvent à faire encore beaucoup mieux qu'avant. Voilà, donc comme quoi le modèle économique peut exister autour du libre. Et voilà, notamment bah, par cet exemple de Sun, quoi. Oui. Très, très bon exemple. Chance to solve it again. C'était à l'instant le titre Valiance de lamondial.net, à retrouver sur la plateforme Jamendo, et c'est diffusé sous licence Creative Commons by NCSA. Dernière ligne droite de l'émission, avec la suite et fin de cet entretien avec Ludovic. Donc on a évoqué l'exemple de Sun, mais tu as peut-être d'autres choses à parler par rapport... par rapport au libre. Je ne sais pas, ou alors est-ce que tu aurais un avis sur la question suivante, à savoir que j'ai eu un écho, en fait, des retours sur l'émission, ils sont peu nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, sur le fait que l'émission était quand même avec un jargon assez technique et voilà, peut-être assez difficile à aborder pour des gens qui ne connaîtraient pas les logiciels libres. Ma question est la suivante, je vais y arriver. et je cite plus ou moins le mail que j'avais reçu, était de savoir que donc la personne se rendait bien compte que sur le terrain, les gens qui utilisent l'outil informatique, l'utilisent, mais finalement ils ne savent pas trop non plus ce que c'est. Et donc de là à passer éventuellement à des logiciels libres, il y a un cap qui apparemment n'est pas forcément facile à aborder. Et donc, alors que lui, justement, trouve quand même que c'est des outils formidables, qu'il faudrait que beaucoup plus de gens les utilisent, comment les amener, en fait, à utiliser du logiciel libre en fait, voilà, c'était un peu sa question, quoi. Ok, donc, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans le libre et dans Linux, spécialement les côtés techniques. Exactement, le fait qu'il faut certainement... comprendre un peu de la technologie, du jargon pour pouvoir commencer, bien que ce soit de plus en plus faux. Hein. Linux est de plus en plus abordable, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut s'investir quand même pour rentrer dans le libre complètement, parce qu'il y a une marche à monter, il y a des petites choses à apprendre. Et ça, c'est un des premiers facteurs, hein, le fait de s'investir. C'est technique, c'est pas forcément... Mais d'un autre côté, je dirais aussi que c'est pas forcément lié au logiciel libre, quoi. On prend effectivement l'exemple de Linux. Okay, oui. Mais c'est vrai que même dans... Enfin, j'ai toujours entendu dire que l'informatique, c'était compliqué. Donc, voilà, actuellement, on dit que l'informatique est compliquée. Est-ce que, effectivement, Linux est plus compliqué ? Voilà, on pourrait dire que oui, mais pas forcément, effectivement, ouais. Ok, donc l'informatique, normalement, doit pas être compliquée. Ça, c'est un des travers général. Et l'informatique, fondamentalement, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec l'information. On transporte l'information d'un endroit à un autre. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que l'information, nous, en tant qu'utilisateurs, on veut qu'elle apparaisse à l'écran. Okay ? Donc, il faut qu'on aille chercher l'information là où elle se trouve. Que ce soit sur un site web, que ce soit dans un fichier sur le système d'exploitation de ton ordinateur portable. Et donc après, il y a pas mal de petites technologies qui sont là sur le chemin entre l'information et l'écran et le fait qu'on puisse travailler avec l'information. Et donc ça rend les choses un peu compliquées parce que la technologie est très ouverte et ça fait 50 ans que l'informatique existe et que l'électronique existe. Et évidemment, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de changements. Donc c'est un environnement, un monde qui change tout le temps. Donc il faut suivre, il faut s'adapter. Aussi, ouais. Mais de manière générale, vu que les personnes et les Français, par exemple, ont beaucoup, beaucoup plus d'ordinateurs maintenant qu'il y a 10 ans. Ne serait-ce, oui. Ok, et la chose va de même quand on parle d'Internet. La France est à un très bon niveau maintenant en ce qui concerne les connexions haut débit. On est au-devant des États-Unis, je pense. On est loin derrière les Coréens, bien sûr, mais c'est les champions du monde de toute façon. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, les gens s'équipent de plus en plus effectivement d'informatique. Mais Donc, une fois que les gens sont équipés, déjà, ils ont passé le premier cap. Le deuxième cap, généralement, pour les utilisateurs d'informatique... c'est qu'une fois qu'ils sont en face de la machine, ils ont toujours peur de casser quelque chose. Donc une fois qu'ils passent le cap de comprendre qu'il y a toujours des moments où on va casser quelque chose, l'important c'est de savoir si c'est grave ou pas, et des fois de ne pas s'en faire, et ben, une fois qu'on arrive à ce point-là, on peut commencer effectivement à entreprendre et à découvrir la machine. Et effectivement, une fois qu'on n'a plus peur de la machine, on peut commencer à l'exploiter. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de suivre... en tant que observateur, certaines formations, notamment des initiations un peu à l'informatique. Et le formateur rappelait tout le temps en fait aux personnes, n'ayez pas peur de manipuler justement l'outil, vous êtes là pour entre guillemets apprendre et aussi pour faire des erreurs justement. Et notamment, bah voilà, puisque il y a quelqu'un à côté de vous, je pourrais éventuellement vous indiquer comment ne pas les faire et éventuellement les résoudre. Et c'est vrai que d'une manière générale, je trouve que les gens ne sont pas forcément assez curieux, quoi, en fait. On n'est jamais curieux de ce qui nous fait un petit peu peur. Et puis après, on se dit, le problème aussi, c'est que si c'est un investissement important, ou même si l'ordinateur en lui-même n'est pas un investissement, de casser son système et de pas avoir un système d'exploitation opérable, il va falloir appeler quelqu'un. Alors, il va falloir appeler à l'aide, il va falloir trouver la bonne personne. Après, est-ce qu'il va falloir payer ? Si c'est une petite entreprise locale, ça peut aller, mais on se dit tout de suite qu'on peut en avoir pour pas mal de sous. Et l'idée, évidemment, quand on achète un ordinateur, c'est de s'en servir. C'est pas juste d'avoir des problèmes avec et de dépenser encore plus d'argent. Donc tout ça, c'est des bons moyens, des bons systèmes de retenue pour les gens, et c'est normal qu'ils soient un peu conservateurs. Par contre, avec toutes les avancées qui existent dans le logiciel maintenant, on a des systèmes de backup qui ne sont pas forcément grand public encore, mais le fait de savoir que sur un ordinateur portable, demain, si tu casses ton système, tu peux remettre tes 3 disques et en 2 heures, tu vas être complètement opérationnel, ou moins de 2 heures, hein, je ne sais pas exactement... Comment Fedora fonctionne ? Fedora ou même d'autres distributions, ça peut être effectivement en 20 minutes, distributions s'installent très facilement. Okay. Ouais. Donc oui, et il y a d'autres petites choses comme ça, comme utiliser les live CD, les CD live, qui permettent en fait aux personnes de voir tout simplement que le système peut fonctionner, et puis je peux m'en servir, je peux le casser sans avoir de problème, de toute façon, vu que rien n'est écrit sur le disque dur. Et après, une fois qu'on est dans le monde de l'informatique, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce qu'un disque dur, à quoi sert la mémoire, comment l'écran est géré. Oui, de rebondir et puis de découvrir. De toute façon, sûr qu'en amassant des connaissances, c'est sûr que c'est toujours plus facile d'aller de l'avant, quoi. Et comme on dit, c'est toujours le premier pas qui compte. Mais je pensais aussi... Parce que j'ai eu l'occasion d'aider une personne à installer un nouvel ordinateur qu'elle venait d'acheter, qui avait donc Microsoft Windows Vista. Ah, oh là. Et ça a été l'occasion justement de tester un peu pour voir. Donc, deux impressions. Il y a quand même des nouveautés visuellement qui sont quand même assez sympathiques, faut l'avouer. D'un autre côté, moi étant pourtant un utilisateur quand même assez confirmé, j'étais un peu perdu même parfois. Ça en faisait même un peu trop, je trouvais. Mais tout ça pour dire qu'il y avait la notion, normalement Vista porte la notion d'administrateur sur le système et d'utilisateur classique en fait. Et donc j'ai essayé un peu d'expliquer à mon ami justement l'importance de cette notion qui sur un ordinateur en fait, il y ait nécessité d'avoir un administrateur système. Et puis, quand on utilise l'ordinateur pour faire du traitement de texte, aller sur Internet, l'utiliser en fait avec un utilisateur classique. Oui. Et chose que jusqu'ici, on ne connaissait pas en fait dans le monde de Windows. Sous Windows XP, il y avait un peu la notion d'administrateur, mais bien souvent, quand vous achetez un ordinateur, par défaut, c'est l'administrateur. Oui. Vous ne créez pas d'autre compte et vous surfez avec le compte administrateur. Il n'y a pas de blocage particulier. Non, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui existe dans les entreprises. Et c'est totalement intégré à Windows, mais c'est beaucoup trop problématique pour mettre ce type de système en place. N'importe qui avec Windows XP et, ou Windows 2000, par exemple, pouvait créer des comptes d'utilisateurs avec des privilèges moindres. Donc pour reparler rapidement de l'intérêt de ça, l'importance, ouais. C'est que lorsqu'on est administrateur, on peut faire un peu tout et n'importe quoi par rapport au système. Donc pourquoi lorsqu'on va sur un site et qu'on télécharge quelque chose, on peut se retrouver avec du malware ? Je ne sais pas terme que tu as déjà défini. Les logiciels espions, quoi. Les logiciels espions, le spyware, le malware. Donc, c'est tous les types de logiciels qui sont là pour... qui sont malicieux. Malware de malicieux. Hein. Okay. Et qui sont malicieux et qui vont détraquer le système ou juste vous ennuyer ou peut-être un jour faire de votre ordinateur ce qu'on appelle un zombie, c'est-à-dire utiliser pour faire des attaques contre certains sites. Donc tous ces dangers qui font partie de la vie informatique de nos jours, malheureusement. Mais donc effectivement, si, si on utilise l'ordinateur avec un compte qui n'a pas ses droits, justement, qui n'est pas administrateur, eh ben, voilà, on limite quand même sacrément les dégâts, si je puis dire. Quoi. Oui, puisque le logiciel ne peut pas s'installer dans les parties vitales qui lui permettent de se reproduire et de se protéger. Donc effectivement, en étant un utilisateur lambda, sans avoir de privilèges spécifiques, on protège le système et on se protège soi-même. Voilà. Et donc c'est en ça que les systèmes Linux ont toujours été finalement fiables et très performants. C'est que depuis le début, en fait, il y a cette notion d'administrateur, il y a cette notion d'utilisateurs normaux, classiques, qui voilà, peuvent presque tout faire de l'ordinateur. Mais dès qu'on effectivement, on veut installer un logiciel, faire une mise à jour, il faut saisir un mot de passe, tout simplement. Tout simplement. Sinon, on ne peut pas. Pour revenir au chat. L'informatique, c'est pas compliqué. Oui. C'est juste que ça a été très mal expliqué. Et que quand on est tout seul face à un ordinateur, c'est plus la même chose. Alors, voilà. Après, comment amener justement les gens à être curieux et passer au logiciel libre ? Effectivement, c'est la question reste posée. Il y a sûrement des solutions, de toute façon. Mais après, ça, c'est, à la limite, on entre dans un domaine qui est plus philosophique maintenant que simplement appliqué à l'informatique. C'est comment est-ce qu'on aide les gens à simplement garder leur esprit ouvert et la curiosité ? Oui, là, ça pose une grande question quand on a posé ça. Et oui, donc, mais parce que c'est une personne qui va être curieuse de son ordinateur va aussi assez souvent être curieuse de son... de ce qui se passe aux alentours, de ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ouverture d'esprit, de toute façon, effectivement, dans... puisque à la base, il y a le partage. C'est vrai que déjà, quand on a dit ça, on a tout dit, en fait. Oui. Effectivement, la notion même de partager, en fait, dans le logiciel, on appelle ça le code source, hein, la recette de cuisine. C'est vrai que ça permet voilà, forcément de s'enrichir, d'enrichir les autres. Enrichir dans le sens... dans le sens humain. Voilà, exactement. Non pas dans le sens financier. Mais... Oui, donc c'est très bien. C'est l'idée, hein, tout simplement, rester en contact et simplement savoir qu'on est tous humains, qu'on a tous à peu près une façon similaire de vivre et qu'on peut tous bénéficier simplement de se parler et de partager. Eh bien, Ludovic, je te remercie beaucoup d'être venu pour la deuxième fois, parce qu'on avait fait une première prise la semaine dernière, mais... Il fallait travailler un petit peu plus à... Voilà, et pour préparer l'émission. À l'avance. Mais voilà, encore une fois, merci. Tout le plaisir est pour moi. J'espère une prochaine fois, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Si on trouve de nouveaux sujets de discussion, ou si on a besoin simplement de parler technologie ou... Pas trop technique en fait, hein, puisque... Plutôt le contraire, juste parler du côté humain et comment l'informatique nous rapproche. Peut-être, voilà. Voilà. Beau mot de la fin. Voilà, à bientôt. Au revoir. Déshabillé à contresens, les Je t'aime. C'était Page Blanche de Julien Pop, disponible sur Jamendo, sous licence Creative Commons by SA. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous les liens que nous avons pu citer avec Ludovic sur le blog de l'émission. Je rappelle l'adresse www.velcs.info. Voilà, au prochain numéro. Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours.